Je ne comprends jamais pourquoi dans les méthodes de langue, on a toujours des dizaines de pages avec les conjugaisons complètes pour chaque type de verbe, y compris la conjugaison complète du futur. Ça a même attiré l'attention sur le fait que, au futur, ce sont toujours les mêmes terminaisons. Il se passe la même chose avec les conditionnels. Le conditionnel qu'on utilise pour dire ce qu'on ferait, hein, qu'est-ce qu'on ferait si on était riche, si on avait plus de temps, etc. Eh bien, comme au futur, les terminaisons du conditionnel en espagnol sont toujours les mêmes, quel que soit le verbe, mais au lieu de « re », on a « ria ». C'est la terminaison de départ du conditionnel pour tous les verbes. « Ria ». Donc, par exemple, si vous voulez dire « demain, ça sera possible », vous direz « demain, ça sera » Mañana será. Mañana será, oui. Será, hein, ça sera possible. Possible. Bien. Mañana será possible. Et maintenant, comment direz-vous demain, ça serait possible? Mañana c'est ría. Ría. Hein? Mañana sería. Sería posible. D'accord. Mañana sería posible. Donc, sería, ça veut dire serait. Alors, comme ça, ça ne serait pas possible. Comment dites-vous ça? Comme ça, ça ne serait pas possible. Así no sería posible. Encore une fois. Así no sería posible. Possible. Il faut séparer le assi et le no. Hein? Así no sería posible. D'accord. Así no sería posible. C'est ça. Hein? Así no sería posible. Comment direz-vous je le ferai demain? Hein? Pensez aux deux petits verbes qui vont ensemble, hein? Ceux qui vont de pair. Lo haré. Mañana. Lo haré mañana. Donc, si lo haré, c'est je le ferai, au futur, est-ce que vous pouvez me donner maintenant la traduction de je le ferai au conditionnel, hein? Par exemple, dans la phrase, moi, à ta place, je le ferai. Hein? Je le ferai. Je le ferai, ici, se dira. Lo haría. Bien. Lo haría, hein, je le ferai. Moi, à ta place, je le ferai. Lo haría. Et moi, à ta place, je ne le ferai pas comme ça. No. No lo. No lo, oui. Haría. Dites-la nouveau. No lo haría. D'accord. No lo haría. Así. Bien. No lo haría. Así. Et pour dire il ou elle, hein, au pluriel, hein, il ou elle ne le ferait pas comme ça. No lo harían así. Oui, mais je voudrais entendre un peu plus clairement la syllabe accentuée. No lo harían así. D'accord. No lo harían así. Hein? Et... pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? ¿Por qué no lo harías? Oui, mais attention, la syllabe que vous accentuez. Harías. Harías, bien. Hein? ¿Por qué no lo harías? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? Et le verbe qui allait de pair avec faire, hein? À faire, c'était decir. Decir. Qui donne à la première personne du singulier du présent, donc avec je, digo. Alors, demain, je te dirai si je peux venir, se dit mañana, te diré. Te diré, oui, hein, si je peux venir. Si puedo venir. C'est ça. Mañana te diré si puedo venir. Et comment direz-vous « Moi, à ta place, je ne dirai rien. » Donc, « je ne dirai rien. » No diría nada. Diría, exactement. Hein? No diría nada. C'est bien ça. No diría nada. Et il ne dirait pas ça. No dira. Ah, no dira, c'est il ne dira pas. Ah oui. Hein? Je vous ai demandé, il ne dirait pas. Hein? Il ne dirait pas ça. No diría eso. D'accord. No diría eso. Hein? Il ne dirait pas ça. Pour dire aujourd'hui, il ne sortira pas. Hoy no salira. Non. Salir est un verbe gogo. Ah, oui. Hein? Et qu'est-ce qu'on avait dit de ce verbe au futur? Ils prennent un D. Donc, il sortira, c'est... Saldra. Saldra, c'est ça. Alors, aujourd'hui, il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Il ne sortira pas, oui, hein, c'est ça. No saldra. Bien, no saldra. Donc... Aujourd'hui, il ne sortira pas. Hoy no saldrá. Hoy no saldrá. Hein? D'accord. Aujourd'hui, il ne sortira pas. Et maintenant, comment direz-vous? Avec ce temps, moi, à ta place, je ne sortirai pas. Avec ce temps. Con, oui, très bien. Hein? Donc, avec ce temps. Con este tiempo. Con este tiempo, oui, je ne sortirai pas. No saldría. Saldría, exactement. Hein? No saldría. Je ne sortirai pas, hein, au conditionnel. Donc, con este tiempo, no saldría. Et comment direz-vous? Il devrait venir aujourd'hui. Comment dit-on il doit, avec la construction avoir à faire quelque chose? Tiene que. Tout à fait. Hein? Tiene que. Il doit. Alors, il devrait. Hein? Donc maintenant, on passe au conditionnel. Tendría que. Tendría que. Très bien. Hein? Tendría que. Il devrait, oui, venir aujourd'hui. Venir hoy. Bien. Tendría que. Il devrait. Tendría que venir hoy. Hein? Tendría que venir hoy. Il devrait venir aujourd'hui.